Chapitre 8. Maître Guibarc, son ruban rouge noué à la boutonnière d'une grosse redingote noire, sa casquette à encre d'or bien d'aplomb, la barbe faite, et la chemise de forte toile soulignant de son col blanc sa face de vieux cuir rougi et bronzé, pérorait sur le port devant l'hôtel de la marine au milieu d'un groupe. Les uns narquois parce qu'ils connaissaient de longue date la chose, les autres intéressés, prêtant l'oreille, il allait, l'œil pétillant, ses doigts un peu raides soulignant parfois de gestes explicatifs son récit. « La déclaration de guerre nous tombe dessus en Amérique, alors que j'étais à bord du vaisseau amiral. »« Bon, que dit l'amiral, ça va. Justement, un bâtiment russe se trouvait là, auprès de San Francisco. » Nous lui appuyons une chasse, il nous évite et fuit droit devant lui. Une vraie course, quoi. Nous arrivons au sandwich comme il venait d'en partir. Ça ne fait rien qu'on se dit. Allons toujours, au bout du monde, s'il faut. C'est ainsi que nous le poursuivons jusque par là-haut, vers la mer de Bering, où le matin nous échappe en se réfugiant dans le port de Petropavlovsk. Dame, on faisait un nez. Oh là là! Il riait, la bouche ouverte laissant voir quelques dents jaunes sous les lèvres minces, branlant un peu sa maligne petite tête d'oiseau de mer. Puis il poursuivit, donnant devant lui du nez, comme s'il eût pioché à coups de bec. La frégate s'installe pour bloquer le port et attendre. Enfin, un beau jour, après l'écrasement d'un fortin russe sous le feu des 30 canons de bordée du bâtiment, on opère une descente. Voyez-vous, c'était une petite colline, deux fois haute, comme qui dirait celle-là. » Il indiqua la falaise entre Camaret et Kellern. Tout cela plein d'arbrisseaux, de brousses. Rien, pas un russe. Bonne affaire que nous pensons. Nous débarquons nos troupes sur la grève, une grève de galets. Là, bien tranquillement. On débarque ainsi tout un millier d'hommes, sans avaros. Mais voilà qu'au moment où ils s'ébranlent pour gravir la colline, un feu d'enfer part de ces satanées brousses. Qu'on n'y avait rien vu. Les Russes, qui avaient tout laissé faire sans se montrer pour mieux nous tenir, étaient là, embusqués à bonne portée. « Et vous, capitaine, où étiez-vous à ce moment-là » questionna Maradour. « Moi, voilà mon tour qui vient, espérez. Je commandais un des grands canots de débarquement et j'avais pris position à quelque distance de là, suivant l'ordre. Pouf, pouf, j'aperçois les nôtres qui dégringolaient la dernière couline plus vite que ça. » N'importe comment, même en se laissant glisser et si vite que quelques-uns n'avaient plus de fond de culotte en arrivant en bas. Un gros rire accueillit ce détail, mais il cessa rapidement, l'attention était mordue. Diable, diable, que je me dis, mauvaise affaire! De là où je me tenais, j'apercevais très distinctement les Russes avec leurs chemises rouges, se faufilant d'arbuste en arbuste et lâchant à leur aise leurs coups de fusil comme à la cible. Ça crevait le cœur de voir cette chose. Pan, pan, pan ! Ça pleuvait dur, sans arrêter. Je dis à mes hommes, c'est pas tout ça, on ne peut pas laisser faire. Malgré que j'ai pas d'ordre, allons chercher les nôtres ou ils vont y passer tous. Des grognements d'approbation saluèrent cette décision et un moussaillon lança. Bravo, l'ancien ! Le maître de port, encouragé, redressant un peu les épaules, expliqua. Faut vous dire que ceux-ci, en dégringolant la couline, n'étaient plus à la place où on les avait débarqués. Ils avaient dévalé pas mal sur la gauche, et il s'agissait d'aller les retrouver de ce côté. Mes six hommes empoignent les avirons et en route. Mais voilà-t-il pas qu'en passant devant une petite crique de pas grand-chose, comme qui dirait celle que vous voyez là-bas, vers la mort anglaise, hein ? Tenez ! Sa main droite signalait le long de la côte, avant d'arriver à Trérouze, un de ces fameux points de lance de Camaret, rappelant la complète défaite de l'escadre anglaise commandée par l'amiral Berkeley, ainsi que celle des troupes de débarquement du lieutenant-général Talmache, sous Louis XIV. « Vlan, vlan ! Une décharge effroyable nous crache dessus ! Des Russes, quoi, s'étaient embusqués derrière, sans crier gare ! Ah, mes amis, sur sept que nous étions, il en tombe cinq raides morts. Dame, nous étions embarrassés, que je vous dirais. Comment faire? On ne pouvait rester là sous le feu de ces Russes, vous me croyez? À deux, c'était pas commode non plus de manœuvrer ce grand diable de canot. Enfin, tout de même, nous nous y mettons, l'homme et moi. Par là-dessus, nous arrive du renfort inattendu. Quelques-uns de ceux qu'on avait débarqués, voyant le canot se rapprocher, s'étaient jetés à la nage pour tâcher de rejoindre et d'échapper à l'ennemi. J'en ramasse d'abord un, que je mets à l'aviron, puis un autre et ça commence à aller. On s'en sortira peut-être, que nous croyons. Les Russes tiraient toujours comme des enragés. J'embarque du monde, j'en embarque pour tâcher d'en sauver le plus possible. Oh, les matins, vous savez, ils m'en ont tué 59 sur mon canot. 59 ! Les bordages étaient troués de coups de feu, qu'il n'y avait pas un pied de bois sans trou. Nous avons ramassé, après l'affaire, plus de 30 balles mortes dans le fond. Fichue position ! Grogna Balanec, changeant sa chic de côté et finissant par s'intéresser lui-même à cette histoire qu'il connaissait pourtant d'un bout à l'autre. Enfin, j'avise un canot anglais, censé nous allier à ce moment. Des murmures grondèrent à cette demi-restriction, et même un cri où bouillait le vieux sang breton. « Ouh, ces Anglais ! Espérez, vous allez voir, il était armé d'un obusier. » Je le hèle, il ne répond pas et fait le sourd, avec la mine de filet de son côté sans nous connaître. Mais nous étions plus, je l'aborde et je lui fais empoigner sa pièce. Des battements de mains claquèrent, bafouant la défaite de l'égoïste et prudent allié. Bien fait pour l'Angliche ! Guy Vark triomphait, l'air heureux. Et nous répondons aux Russes à coups d'obusier. Ça changeait un peu les choses. De l'amiral, on finit par voir la chose. On nous envoie un canot armé qui nous appuie. À terre, les nôtres, à leur tour, reprennent courage et se mettent à tirailler ferme sur les blouses rouges, de sorte qu'on parvient à s'en tirer tout de même. Il faisait chaud, plus chaud qu'au jour d'aujourd'hui, pour sûr. Cette affaire-là nous mit 209 blessés à bord. C'était un dimanche, par un joli ciel bleu de novembre finissant. Un dernier beau jour, toutes les barques alignées au repos dans le port que la marée emplissait peu à peu. Les pêcheurs flânant de ci de là, dans leur blouse des jours de fête, la blouse bleue très courte venant aux reins, la casquette ou le béret sur la tête, joues et menton rasés de frais tranchant sur le cuivre des joues, du nez et du cou, ne sachant trop que faire de leur temps, et se réunissant volontiers par petits groupes pour causer de choses et d'autres. Un jeune matelot, retour de Madagascar, en parlant de ce qu'il avait vu chez les Malgaches, avait remué les vieux souvenirs. On avait conté des aventures, des tempêtes, des farces du bord. Et maître Guy Vark, à qui la langue grattait toujours, avait riposté à une descente à terre à Majunka contre les Hovas par un épisode de la guerre de Crimée. Cela l'avait arraché à une sorte de tristesse inaccoutumée qui l'envahissait depuis quelque temps à propos de son neveu Hervé, dont l'humeur changeait de plus en plus. Ce dernier avait d'incessantes alternatives d'espoir et de découragement. Une espèce de misanthropie le poussait à voir tout en lait, à haïr les heureux, à dire de mauvaises paroles sur les choses et sur les êtres, manière d'envisager la vie qui n'était pas commune à Camaré, un pays de bons enfants, sans méchanceté, de braves gens un peu fiers, mais dévoués, complaisants, désintéressés. Il était arrivé au maître de port de soupirer parfois, le soir, avant de se mettre au lit lorsqu'il songeait au jeune homme et que ses yeux tombaient sur la petite photographie encore accrochée à côté de la glace, près de la cheminée, avec son inscription commémorative et sa branche de buis séchée. Est-il possible que ce soit lui ? On ne le croirait pas. On ne penserait jamais un garçon de par ici. Cependant, il chassait vite cette idée, réfléchissant combien Jean-Marie Hervé était le vivant portrait de Thomas, en plus affiné, en moins lourd. Si, si, c'est bien lui. Mais alors quoi ? Cette existence de là-bas dont il ne veut jamais parler l'aurait donc tant transformé ? Cela dépassait son entendement, à lui qui avait voyagé partout, vu tous les pays, affronté tous les climats, sans changer, sans quitter sa vieille peau bretonne. Il ruminait parfois dans son crâne toutes sortes de projets d'avenir, de gains à faire, pour augmenter un peu sa mince retraite de maître, de légionnaire, et les appointements de son poste à Camaré. Ne pouvant se mettre pêcheur dans sa position, vu aussi son âge, malgré une fameuse santé, il faisait en petit, pour essayer, le commerce du homard avec l'Angleterre, et avait installé un vivier à côté de ceux de Balanec, flottant au large du port un peu abrité par la falaise. L'arrivée inattendue de son neveu lui avait tout à coup donné des espérances d'association, de bénéfices plus forts à tirer de leur entente à eux deux. Cela au moins ne sortirait pas de la famille, profiterait au Guivarc. Insensiblement, des réflexions avaient germé en lui, avec cette lenteur méthodique inhérente à son tempérament. Il avait senti sa pensée se tourner vers Marianic, établir des rapprochements entre le jeune homme et sa fille. « Oh, diable !» songeait-il parfois, « sans ce tonton Corentin ?» Mais voilà, Corentin Garec était un rude pêcheur et un si brave homme. Certainement, s'il aimait vraiment sa fille, s'il se décidait à la demander en mariage, il ne pouvait la lui refuser. Ce serait, sous tous les rapports, un excellent parti. Sans doute, il n'y avait rien de promis encore. Le garçon n'avait pas osé risquer une démarche, mais on savait bien que la Marianic ne lui était pas indifférente. De son côté, la jeune fille n'avait rien dit non plus. Pourtant, son attitude, ses rougeurs, et jusqu'à cette angoisse si visible le jour où le canot de sauvetage avait pris la mer, était bien un commencement d'aveu. Maître Guivarc, dès cette époque, songeait qu'il faudrait peut-être brusquer les choses, quand le bouleversement amené dans sa calme existence par le retour d'Hervé avait reculé ses projets, ajourné ses intentions. Depuis, des incidents minimes s'étaient produits, qui le faisaient hésiter, attendre, le poussant à remettre de jour en jour l'explication définitive. Une tendresse extraordinaire s'était soudain développée au fond de son cœur pour cet enfant de son frère, pour ce pauvre diable de petit mousse si miraculeusement sauvé. Il se disait que ce n'était peut-être pas sans raison que la Providence le jetait de nouveau, après tant d'années, à Camaret. Une faiblesse l'incitait à désirer un lien encore plus étroit entre eux. Un mariage entre les deux cousins, Marianic et Hervé. Aurait-il l'influence nécessaire pour amener ce résultat? Son neveu voudrait-il s'y prêter? Et Marianic, que pensait-elle? Elle lui semblait également changée, différente de ce qu'elle était avant de voir le naufragé. Quel hasard formidable l'avait jeté là pour tout brouiller, pour tout déranger des projets faits, des espérances caressées. N'était-ce pas une indication secrète? Un ordre? Deux jours auparavant, se trouvant seul avec le jeune homme, il avait tâté le terrain. « Dommage, dit-il, que tu ne sois pas venu plus tôt dans nos parages. »« Que veux-tu dire ? » demanda Jean-Marie Hervé. Maître Pierre tourmenta un moment entre ses gencives la vieille pipe noire dont il tirait de lentes bouffées. « Ça signifie, garçon, que j'aurais eu du plaisir à ce que tu sois mon fils pour de vrai. » L'autre avait dressé l'oreille, paraissant comprendre. « Est-ce que, par hasard, il y aurait quelque chose de nouveau ? La Marianic aurait-elle parlé ? » Il questionna leur indifférent, très remué au fond. « Pourquoi ne le suis-je pas quasiment ?» Le maître de port, tourmenté par le souvenir de Corentin, n'osait pas aller trop loin. « Oui, je ne dis pas, mais on aurait pu faire mieux, s'entendre, se comprendre. » Hervé soupira, plus sombre, devinant la pensée intime de son oncle. « Trop tard, tonton Pierre, je n'ai jamais eu de chance, moi. » L'oncle eut une moue de ses lèvres fines et se grattant l'oreille. « Une bonne fille, Marianic. Peut-être que... Qu'en sais-tu ? » Cette fois, le jeune homme abordait franchement la question, mordu par le désir âpre de savoir à quoi s'en tenir. Le vieux recula, entrevoyant les conséquences, les obstacles. « Je n'ai rien dit, mon pauvre gars. Des suppositions, voilà tout. Oh, elle ne m'a pas avoué. Tu sais, les filles, on ne peut jamais savoir. Ça a des idées à soi. » Hervé secoua les épaules, songeant à ce qu'il avait vu, bien certain que sa cousine, malgré son affection pour lui, n'avait jamais eu l'idée de mariage avec un autre qu'avec Corentin. Une seconde, les insinuations de son oncle avaient réveillé au fond de son cœur le désir ardent qui y brûlait, soufflé sur cette cendre chaude. Mais bien vite, il avait compris que ce n'était là qu'un vague et inconsistant espoir de vieillard, sans aucune base sérieuse. Le soir même, vers minuit, profitant de la marée et du temps très calme, avec une jolie brise, il avait pris la mer, disant qu'il sortait pour quelque temps, peut-être 24 heures, allant pêcher l'arrêt du côté de la pointe de Brézélec, du Ras de Saint. Le dimanche matin, il n'était pas encore de retour, et maître Guivarc avait comme une inquiétude vague, causée par cette longue absence, surtout après la tentative de conversation qu'ils avaient eue le vendredi. Aussi, allant et venant sur le port, causant avec l'un, riant avec l'autre, essayait-il de s'étourdir un peu à ce sujet et de ne plus penser à ce neveu. Personne n'y voyait rien, si bien que Maradour, à la fin du récit de Guivarc, remarqua. « Il est fameusement en train, le capitaine !» Une cloche carillonna joyeusement dans le haut du bourg, annonçant la fin de la messe. Des bandes de femmes en toilettes de fête commencèrent à déboucher de la rue centrale, envahissant le quai, qu'on appelle aussi le nautique. Le soleil mettait une gaieté dans ce mouvement des coiffes blanches, avec leurs fines broderies à jour posant à plat sur les cheveux lisses, partagés en bandeaux corrects. Toutes avaient sorti leurs jupes neuves, le grand châle tombant en pointe derrière, et le coquet tablier de soie changeante, avec sa pièce montante épinglée sur la poitrine, par-dessus le châle croisé. Des jeunes filles se promenaient, se donnant le bras, tenant presque la largeur du quai, et des rires éclataient, des mots de joie, des appels, des interpellations, quand elles rencontraient un de ces groupes de pêcheurs immobiles à causer d'affaires du métier, ou une file de jeunes gens tapageurs fumant des cigares. Marianique, plus grave, ses yeux noirs baissés, se dirigea directement vers le bureau du port pour y déposer son livre de messe et s'occuper du repas. Mais Yvonne, qui la suivait, entourée de bambines de 6 à 12 ans pendues à ses jupes, dit « Je vais à la chapelle. Bon, dépêche-toi, mon cœur, nous t'attendrons pour nous mettre à table. » Les fillettes criaient « Oui, oui, tout à l'heure, nous te la ramènerons, Marianne. Elle nous a promis l'histoire de la bonne dame de Rocamadour. » L'innocente, un sourire aux lèvres, ses yeux clairs enveloppant les enfants ou se portant là-bas de l'autre côté du port, baissa à plusieurs reprises la tête et se laissa entraîner, chantant à mi-voix un cantique qui était comme un dernier parfum persistant en elle de la cérémonie religieuse à laquelle elle venait d'assister. La petite troupe longea le nautique jusqu'à la route du Toulinguet, devant la boutique du forgeron, tourna par le Stivel et, s'engageant sur le môle naturel qui protège le port, s'arrêta en face de la porte d'entrée de la vieille chapelle gothique, fortement endommagée, qui se campe si pittoresquement entre la pleine mer et Camaret, à quelques mètres du fortin de Vauban. « Tiens, voilà l'inscription, c'est des lettres du temps passé !» fit une des gamines essayant vainement de déchiffrer les mots gothiques, usés par le temps, par le heurt des vagues, par la balayure incessante des embruns. Les caractères se dessinaient en relief dans la teinte grise de la pierre à la gauche de la porte centrale. Yvonne regarda attendrie, comme si elle eût compris, deviné plutôt, ses prunelles paraissant percer l'obscurité de ces signes anciens. « Mais chérie, cela veut dire que l'année 1560, il y a très longtemps, cette chapelle a été élevée à Notre-Dame-du-Roc. C'est la bonne Vierge protectrice de Camaret. Savez-vous pourquoi son clocher est ainsi abîmé ?» Elle montrait le joli clocheton à jour qui se dresse au-dessus de la petite église et dont la partie supérieure est brisée, ne conservant que l'ogive fleurie où s'abrite la cloche. « Moi, on m'a dit que c'était les Anglais, mais je ne sais pas comment, » riposta une voix mutine. « Eh bien, je vais vous le dire, les mignonnes !» Elles se pelotonnèrent, toutes leurs prunelles luisantes fixées sur elles, se pressant autour de la jeune fille dont le visage souriant les dominait. Le soleil, presque doux ce jour-là, baignait de rayons ses têtes blondes ou brunes, glissait entre les cheveux abandonnés, les joues fermes, les fraîches carnations, tandis que tout autour, comme pour justifier ce nom de Roc Amadour, qui signifie « roc au milieu des eaux », l'endroit formant autrefois une île, la mer très bleue s'agitait à peine sous le vent léger. Au fond, la côte de Léon se voyait très nette, découpant sa falaise, où l'on distinguait les moindres détails, le phare du Petit Minou, des verdures sombres, des saillies de roches, des échancrures, puis l'entrée du Goulet, la pointe fortifiée et comme détachée des Capucins, les bosselures retranchées qui mamelonnent de distance en distance la presqu'île de Roscanvel jusqu'à Trérouze, et aux lignes de Kellern, en passant par le fort du Diable. Yvonne parut se recueillir un moment, embrassant des yeux ce spectacle radieux. Ensuite, désignant la côte, elle expliqua. « C'est là que ces méchantes gens ont débarqué, mais leurs troupes ont été battues, repoussées par les milices du pays, leurs soldats mis en fuite, leurs flottes forcées de se retirer. Ce jour-là, voyez-vous, ils ne s'étaient pas seulement attaqués aux Français, mais à la protectrice de Camaret. » Des mous graves plissèrent les bouches roses, les yeux s'agrandirent. De son doigt, l'innocente indiquait le clocher. Un boulet parti du navire principal vint frapper ici, jetant par terre la pointe surmontée de la croix. Le sacrilège ne resta pas impuni. Notre-Dame du Roc vengea cette insulte, car le boulet n'eut pas plutôt touché la chapelle qu'il retourna comme lancé par une puissance invisible, et brisant le vaisseau d'où il avait été lancé, le coula. Ce fut avec une crainte superstitieuse que les jolies faces attentives se relevèrent pour regarder, bouche béante, le fameux clocher. Déjà, Yvonne, les oubliant, contemplait la mer, écoutant le flot gronder doucement sur les galets, et des visions voltigeaient devant ses yeux, des ombres vagues flottant dans l'air très loin, au-dessus du grand calme des eaux. Il fallut que ses petites compagnes la tirassent par le bras pour lui rappeler qu'on l'attendait chez elle afin de dîner. Elle était saisie, possédée par l'air ambiant, comme si elle eût été une plante de la grève, une fleur fragile battue des vents, bercée par le flot, baignée par le soleil pâle d'automne.